Exercice 10, page 101. A. Tu manges un gâteau? Transformer. Oui, j'en mange un. B. Tu chantes un morceau? Transformer. Oui, j'en chante un. C. Tu danses un tango? Transformer. Oui, j'en danse un. D. Tu rends un rapport? Transformer. Oui, j'en rends un. E. Tu vends un vélo? Transformer. Oui, j'en vends un. F. Tu prends un bateau? Transformer. Oui, j'en prends un.